Chapitre 2e. Je rentrais chez moi, fiévreux, presque irrité. Pour la première fois qu'on faisait appel à ce qu'il me plaisait d'appeler ma science, je me heurtais à un cas désespéré. Brutalement, la mort me barrait le passage, et il me semblait l'entendre murmurer à mon oreille le mot de la suprême désespérance « Tu n'iras pas plus loin ». Mais je ne souffrais pas seulement de ce sentiment égoïste et humilié. L'angoisse qui me poignait tout à l'heure augmentait. Pour m'y soustraire, j'essayais de chasser mes idées, de gomper les faits remarqués et d'obtenir d'eux une réponse aux doutes qu'ils méritaient. L'état de cet enfant ne répondait à aucune des observations connues. J'ouvrais mes livres un à un, et nulle part je ne trouvais rien qui me satisfît. La malade ne présentait aucun des symptômes classés, et c'était là justement ce qui me troublait le plus. L'absence de symptômes s'affirmait à chaque instant davantage. Fallait-il croire, selon l'insinuation du concierge, au mauvais traitement, à l'inanition? Mais outre que les allures de la mère, l'affection profonde et non jouée qu'elle portait à sa fille donnait un absolu démenti à ses suppositions, l'état physique de la malade donnait, à ce point de vue, des contre-indications formelles. Pendant le peu de temps que j'avais pu l'examiner et l'ausculter, j'avais été surtout étonné de l'état sain des organes importants. Il y avait eu, évidemment, des perditions de vitalité, lentes ou rapides, mais elles ne s'étaient opérées par aucun de ces accidents qui laissent en l'organisme des lésions ordinairement faciles à constater. Mais pourquoi les deux commères avaient-elles paru si bien comprendre ce qui, pour moi, restait inexplicable? Pourquoi le concierge avait-il semblé, dans ses interjections rapides, accuser l'étrange personnage que je connaissais sous le nom de M. Vincent, dont l'abord, il est vrai, m'avait frappé d'une impression pénible, mais que nul indice ne me permettait de soupçonner? Et sur quoi auraient porté mes soupçons? Si horribles que puissent être certaines hypothèses, je m'y arrêtais, et là encore, groupant mes observations, j'acquérais la conviction qu'elles n'auraient reposé sur aucune base possible. Puis, je le répète, il est des physionomies qui ne trompent pas, et celle de cette mère respirait la plus parfaite honnêteté. Elle aimait sa fille, ne l'avait jamais quittée. Non, non, il était inutile de se lancer sur une piste que tout démontrait fausse et calomniatrice. À la fin, cet examen de raison et de conscience m'énerva à ce point qu'il me fut impossible de rester seul plus longtemps. J'avais besoin d'entendre des voix humaines, d'échanger mes pensées, de me rafraîchir le cerveau dans le flot des banalités courantes. Je sortis. Quand j'entrai dans le cercle de lumière projeté par le gaz de la brasserie, d'où émergeait la silhouette remuante des jeunes gens, ce fut une clameur de bienvenue. Depuis ma thèse, on ne m'avait pas vu trois fois, et les quolibets amicaux de pleuvoir sur moi, et les mains de m'attirer, pour me contraindre à m'asseoir devant une pile de soucoupes, obélisque obituaire des chopes disparues. Je ne me fis pas prier, d'ailleurs. Ce bruit, cette exubérance me rassérénait. Il me fallut rendre raison de ma perpétuelle réclusion, me défendre d'ingratitude envers les anciennes amitiés, confesser mes ambitions et mes espérances, mais surtout, trinquer et retrinquer encore, en absorbant l'horrible dilution alcoolisée que notre beau pays au décor du nom de bière, et dont le principal mérite, apprécié surtout du vendeur, est de condamner le moins altéré à une soif dévorante, mère du renouvellement. Sous cette influence excitante pour le cerveau, jusqu'au moment où elle torture l'estomac, mes idées se faisaient plus nettes. Je reprenais la perception active des faits, et en même temps, je sentais un invincible désir de raconter l'étrange aventure à laquelle j'avais été mêlé tout à l'heure. Naturellement, je ne tardais pas à y succomber, et d'une seule haleine, je narrai l'incident. Comme il s'agissait d'un enfant, l'éternel problème qui émeut les plus sceptiques, on m'écouta attentivement, et nul ne me railla lorsque j'affirmais l'émotion douloureuse que m'avait causée mon ignorance. « Écoute, me dit Gaston Dussault, un jeune docteur dont nous reconnaissions tous la haute valeur, je n'ai pas la prétention de te donner le mot de logogriffe que tu nous proposes. Mon observation sera d'un caractère plus général et en même temps de nature, hélas, peu encourageante. Il y a deux périodes dans la vie du médecin. La première, temps de jeunesse, comporte la curiosité ardente, la volonté de vaincre le mal, le dévouement que rien ne rebute. C'est aussi le temps du travail acharné, avec 15 et 20 heures de lecture ou de griffonnage, avec la brûlure des yeux et des mèches de chandelles fumeuses et malodorantes. Or, pendant que nous potassons avec cette furie, la vie marche, s'agite, se rue autour et en dehors de nous. Nous nous bouchons les oreilles pour n'entendre pas le bruit que fait l'humanité, la grande malade souffrant par les poumons, par le cœur, par le cerveau. nous demandons à autrui la science toute faite, celle que le passé a entassée, dans les inuits formidables de lourdeur et de prix. Et le temps nous manque pour apprendre le secret de la vie et de la mort dans le seul livre toujours ouvert, illustré de schémas toujours nouveaux, sincères et probants, et ce livre, le voici. D'un geste circulaire, il montrait le boulevard. Le gaz jetait ses bandes blanchâtres dans lesquelles roulait le flot incessant des promeneurs. « Voilà le grand manuel de pathologie interne et externe, » continua-t-il. « Voilà la physiologie en action. Que voyons-nous de cela, nous, les jeunes, arrivés à l'hôpital ou au cabinet de travail ? Et ceci est un volume, un chapitre, un alinéa de la vaste encyclopédie médicale qui est la société tout entière. « Ah !» s'écria-t-il d'un accent dont la sincérité nous frappa. « Avoir le temps, c'est-à-dire l'argent de la vie quotidienne, et se consacrer tout entier à la lecture de la bibliothèque humaine, de ce dictionnaire universel, dont chaque homme est une page, l'épeler, la transcrire, la noter, et après cela faire de la médecine. Que dis-je ? Après cela, la médecine sera faite. Car alors on aurait autopsié, non des cadavres, mais des êtres vivants, des cerveaux, des poitrines et des cœurs. 10 ans d'observation accomplies avec le superbe courage que nous mettons à remuer des cendres d'érudition, et la vraie flamme jaillirait. Mais après le travail forcené auquel nous devons nous condamner, m'écriai-je, il nous reste plus de la moitié de notre vie pour devenir le second homme qui est en tout médecin, interrompit-il, le découragé, le sceptique, l'ignorant, le praticien banal et routinier qui vise la croix d'honneur et l'académie. Quand nous nous évadons des livres, nous sommes aveugles et ne voyons plus l'homme. À ce moment, je poussai une exclamation et, posant ma main sur son bras, « Regarde !» lui dis-je. Il suivit l'indication que lui donnait mon doigt. « Quel est cet homme ?» demanda-t-il. « C'est le vieillard dont je te parlais tout à l'heure, monsieur Vincent. » En effet, sous le reflet cru des cristaux dépolis, le vieillard s'avançait lentement, péniblement, et je frissonnais en constatant l'incroyable changement qui s'était produit en lui depuis 1 heure à peine que je l'avais quitté. Il me paraissait blafard, maigre, voûté, brisé. À chaque pas traîné sur l'asphalte, il regardait autour de lui, tournant son cou branlant dont je croyais entendre craquer les vertèbres. « Eh, mais !» s'écria un de nos voisins. « C'est le vieux Thévenin. Il n'est donc pas mort ?»« En effet, » reprit Gaston, qui l'avait regardé plus attentivement, « je ne l'avais pas reconnu tout d'abord. »« Mais qui est, monsieur Thévenin ? » demandai-je impatiemment. Sans me répondre directement, Gaston continua comme se parlant à lui-même. « Je l'ai rencontré il y a quelques mois à peine. Il était alerte et rajeuni. Puisque moi-même, il y a 1 heure, j'ai cru en le voyant me trouver en face d'un homme encore jeune. Il se peut, après tout, que le chagrin ait produit cette métamorphose. « Bien, » me dit Gaston en me touchant légèrement l'épaule, « je te dirai ce que je sais de lui. » Monsieur Vincent, je continuerai à lui donner ce nom qui lui appartenait réellement, il s'appelait Vincent Thévenin, avait franchi la zone de lumière dont nous occupions le centre. Je me levai avec empressement et suivis mon camarade. En un instant, nous eûmes retrouvé la piste du vieillard qui remontait le boulevard, se perdant à travers la foule rieuse et gaie qui jouissait de cette soirée d'été plantureuse et vivifiante. Son dos étroit semblait appartenir à un personnage macabre. « Parle, » dis-je à mon camarade, « hâte-toi de me dire ce que tu sais de ce personnage qui m'intéresse, m'inquiète et m'irrite tout à la fois. « Suivons-le d'abord, » reprit Gaston. « Je connais son passé. Il me plairait de connaître quelque chose du présent. » Je dus commander à mon impatience et réglant notre pas sur celui de M. Thévenin. Nous nous arrangeâmes de façon à ne pas le perdre de vue. Je remarque alors que, devant chaque café, il s'arrêtait, restant sur le seuil et fouillant du regard, cherchant sans doute quelqu'un, ou peut-être quelqu'une, ajouta Gaston en riant. En effet, il se portait de préférence devant les établissements fréquentés par les jeunes femmes du quartier. « C'est une simple plaisanterie du reste, » ajouta Gaston, « car outre que Thévenin a toujours été fort chaste, il doit être plus que centenaire. »« Centenaire ? J'ai 35 ans, » reprit mon interlocuteur, « et quand j'en avais 15, celui qui me raconta l'histoire de Thévenin m'affirma qu'il vivait déjà en 1789. » Cependant le vieillard avait repris, non sa course, mais son glissement silencieux qui lui donnait un caractère quasi fantastique. À mesure qu'il marchait, il semblait qu'il se courbât davantage sous un poids devenu plus lourd. Son apparence falote s'accentuait. En vérité, nous en venions à craindre qu'il ne s'affinât au point de s'évanouir dans l'air et de disparaître tout à fait. Arrivé à l'extrémité du boulevard, il s'arrêta, comme hésitant sur la direction qu'il devait suivre. mais l'heure passait, les promeneurs devenaient rares. Étant tout près de lui, presque à le toucher, nous le vîmes esquisser un geste qui tenait à la fois de la colère et du découragement, et il s'engagea dans une rue transversale. Nous ne perdîmes pas sa trace, et bientôt nous le vîmes traverser la rue et marcher droit à une porte cochère, devant laquelle une grosse femme, évidemment une concierge, humait les fraîcheurs de la soirée, tenant sur les genoux un garçon de 6 à 7 ans, solide et gras. À peine le gars eut-il aperçu Thévenin, qu'il sauta en bas du giron de sa mère et courut à lui à grandes enjambées. Il heurta même si fort le vieillard que nous craignîmes un instant qu'il ne le renversât. Mais au contraire, avec une force qui nous étonna, Thévenin le saisit dans ses bras, l'embla de terre et l'embrassa longuement. « Pauvre homme, murmurai-je attendri, il pense à la petite morte. » Cependant la grosse femme rappelait son garçon l'objurgant en criant « Veux-tu bien laisser monsieur, petit gredin ?»« Je vous demande pardon, monsieur Vincent. » Il répondait doucement, tapotant les joues du petit qui était revenu se coller contre lui. « Ah, je sais bien que vous êtes le papa gâteau de tous les enfants, » continua la femme, « et du plus loin qu'ils vous aperçoivent, ils courent à vous. » Cependant, M. Vincent n'entrait pas, quoique la concierge se fût écartée pour lui livrer passage. Il paraissait hésiter, puis il dit timidement, « Vous ne voulez pas me le confier? Je lui apprendrai tant de belles choses. »« Oh, ce serait avec plaisir, M. Vincent. Mais vous savez bien qu'il reste à la campagne, chez sa grand-mère. Pour qu'elle me l'ait prêté 8 jours, il a fallu la croix et la bannière. » Et puis l'air est si bon là-bas. M. Vincent n'insista pas. Il embrassa encore une fois l'enfant et disparut dans le long corridor. Il semblait rajeuni, en vérité. Gaston s'approcha. « C'est bien le savant M. Vincent Thévenin qui vient de rentrer ?»« Oui, monsieur. Ah oui, un savant. Et puis un si brave homme. Le père aux enfants, quoi. Et ils le savent bien, les petits gueux. Ils lui soutirent des sous toute la journée. Il demeure ici depuis 10 ans. Je l'ai un peu connu autrefois. Il me paraît bien vieilli. » « Ne vous y fiez pas. Tenez, il y a 6 mois, il était si cassé qu'il n'avait plus que le souffle. Tout à coup, patatras, ça a été comme un coup de baguette. Je ne sais pas ce qu'il avait inventé pour se soigner, mais en moins de 6 semaines, il était retapé, là, à 9, au point que si j'avais été veuve... » Elle rit franchement, en femme qui peut se permettre un peu de gauloiserie, sans que personne n'y trouve à critiquer. « Mais quel âge lui donnez-vous » ajoutai-je. « Oh, un zeste, dans les 95, au moins. » « Voilà l'homme, » reprit Gaston, quand nous nous étant éloignés, nous eûmes repris notre promenade. Très estimé, très respecté, aimant les enfants. « Qu'en dis-tu ? » ?»« Rien, j'attends son histoire. » »« Elle est fort simple, en somme. » »« J'entends pour nous qui, en fait de science, n'admettons guère l'impossible. » M. Vincent de Bossaille de Thévenin est le dernier descendant d'une grande famille qui a émigré pendant la Révolution française. Son père était un des 100 actionnaires à 2 400 livres, du fameux Mesmer, qu'il suivit en Suisse, où, comme tu le sais, le célèbre thaumaturge résida jusqu'à sa mort, survenue en 1815. M. de Bossaille père rentra en France avec les Bourbons et mourut bientôt après, laissant un fils, celui qui nous occupe. Vincent suivit les leçons de Carat et de Saussure, conquit ses grades dans la médecine et s'attacha au fameux Deleuze, qu'on surnommait, sous la Restauration, l'Hippocrate du magnétisme animal. Dès lors, il rompit en visière avec la routine académique, fut pendant quelques années secrétaire de la société magnétique fondée par le marquis de Puységur, et devint enfin l'ami, le secrétaire, l'alter ego du marquis de Mirville, directeur de la société d'Avignon et auteur d'un très étrange ouvrage sur les esprits et leurs manifestations fluidiques. J'interrompis vivement Gaston, m'écriant « En somme, ce grand savant est un spirit, un fou. »« Pourquoi t'emporter ainsi ?» reprit Gaston en souriant. L'homme qui, il y a 150 ans, aurait prévu l'éclairage électrique des gardes de chemin de fer, eût paru digne d'être enfermé aux petites maisons. La science part d'un fait minime et grandit par les hypothèses. Un fou, continua-t-il en s'animant, crois-tu que Crookes, qui a découvert un métal nouveau, le thallium, qui a posé l'irritante énigme du radiomètre, dont le fonctionnement visible reste encore inexpliqué, soit un fou? Eh bien, étudie ces dernières recherches et dis-moi si tu ne sens pas ébranler en toi quelque chose que tu jugeais bien solide. Mais revenons à M. Vincent. Depuis 1825 environ, cet homme, en qui se combine l'étonnante patience du fakir avec l'active persévérance du chercheur, a été le chef universel, reconnu et respecté, de cette bizarre population de magnétiseurs et de magnétisés, beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit, dont la bonne foi ne peut être suspectée et qui a les passions, les vaillances de l'apostolat. Alexandre Bertrand, Georget, furent ses élèves, et cependant jamais Thévenin n'a permis que son nom fût prononcé. Il n'intervint pas directement dans la fameuse querelle avec l'Académie, qui, en dépit du rapport de Husson, se termina par un refus absolu de la docte compagnie de prendre le magnétisme au sérieux. Tu n'ignores pas que cette décision date de 1837, sur l'initiative du docteur Dubois, d'Amiens. Le docteur Thévenin ne protesta pas, au contraire. Il sembla se désintéresser de la question et rompit toute relation avec ses adeptes. Mais je sais, de sources certaines, qu'il n'abandonna pas ses études. L'homme de qui je tiens tous ces détails, et qui a été un des derniers élèves de Thévenin, m'a déclaré, quelques mois avant sa mort, que la science de son maître l'épouvantait. C'est le propre terme qu'il a employé. Et il ajoutait « Ne croyez à aucune jonglerie, à aucun charlatanisme, non plus qu'à une de ces déséquilibrations cérébrales qui peuvent tout expliquer par un intérêt d'argent ou d'orgueil, sinon par la folie. M. Vincent est l'homme le plus froid, le plus strictement positif que j'ai rencontré de ma vie. Jamais il n'a procédé par à-coup, c'est-à-dire en laissant au hasard le soin de décider du bien ou du mal fondé de ses observations. Il va lentement, d'un point à un autre, degré par degré, soumettant aux vérifications les plus minutieuses chaque progrès obtenu. C'est peut-être en raison de cette lenteur même que j'ai tant de peine à le suivre. Sans cesse, mon imagination m'emporte et m'entraîne en fausse route. Lui va tout droit sans s'écarter d'une ligne de la voie tracée. « Tu comprends, » continua Gaston, « combien j'étais curieux d'obtenir des détails. Science, soit, mais quelle science ? À toutes les questions que je lui adressais, mon ami répondit avec une discrétion qui équivalait à un refus de divulguer les secrets de son maître. Cependant, voici ce que je pus obtenir. M. Vincent ne s'est préoccupé ni de la seconde vue ni de la prévision de l'avenir. Ses études portent uniquement sur le fait physiologique, ou même physique, d'une force radiante, exactement le terme employé depuis par Crookes, émanant du corps de l'homme et dont l'action, attirante ou pénétrante, peut s'exercer à distance et sans l'aide d'un conducteur matériel. Tu vois que de là à l'hypnotisme et surtout à la suggestion, il n'y a qu'un pas. Avec l'audace de la jeunesse, je me suis rendu chez M. Vincent, et j'ai tenté de le confesser, un homme très singulier en vérité, et qui m'a produit une impression telle que jamais je n'en ai éprouvé de semblable. Pendant que je lui parlais, m'autorisant du nom de mon ami, qui alors n'existait plus, pour m'offrir en quelque sorte à prendre sa succession d'élèves, M. Vincent me regardait, et chose singulière, je ressentais un effet qui n'était ni l'engourdissement somnambulique, ni la fascination hypnotique, mais il me semblait qu'une irrésistible attraction s'exerçait sur moi. « Comprends-moi bien. Mon corps n'était pas entraîné vers lui, mais quelque chose qui émanait de toute la périphérie de mon corps, comme si, à travers mes pores, une substance impalpable, éthérienne, avait été projetée de moi vers lui. L'effet ne dura d'ailleurs que quelques secondes, puis cessa tout à coup. « Quel âge avez-vous ? » me demanda-t-il brusquement. « 26 ans, lui répondis-je. « Vous travaillez trop, » reprit-il. « Vous vous dépensez trop vite et trop tôt. Prenez garde. Économisez-vous. » Je ne comprenais guère, me sentant jeune et vigoureux, sous cette réserve qu'après l'effet singulier dont je viens de te parler, je ressentais une sorte de lassitude, comme après un excès. J'essayais de revenir au sujet qui m'avait amené, mais il m'interrompit. « N'attendez rien de moi, » me dit-il avec une certaine rudesse. « En l'état actuel des connaissances, ou plutôt, en face de l'ignorance universelle, il m'est interdit de communiquer à qui que ce soit ce que je sais. Mais pourquoi donc, » m'écriai-je. Pourquoi ne pas nous aider, nous les jeunes gens, à lutter contre les stupides routines? Pourquoi? Acheva-t-il en se levant et en dardant sur moi ses yeux dans lesquels brillait une flamme. Parce que ma science est un crime. Et alors, sans que j'eusse insisté, il se mit en un discours d'une éloquence stupéfiante à me tracer un tableau complet, encyclopédique, de la science actuelle. Il n'était pas un système, pas une théorie, pas une découverte qu'il n'eût étudié et vérifié. Et avec une verve sarcastique qui parfois devenait féroce, il flagellait les préjugés, les timidités, les lâchetés qui arrêtaient tous les travailleurs au seuil de la science réelle. Prophète inouï, il me prédit, il y a de cela 10 ans, les quelques progrès que nous avons accomplis depuis lors. Il voyait, positivement, au-delà de notre horizon, et cela sans charlatanisme, par la force de déduction dont j'appréciais moi-même la justesse. Et quand il eut terminé, il ajouta, me congédiant d'un geste, « Je vous refuse ma science, qui est criminelle, oui, criminelle, car elle augmente, elle centuple, l'inégalité terrible qui, dans la lutte pour la vie, fait les vainqueurs et les vaincus. Sur cette parole énigmatique, je dus me retirer, emportant, je l'avoue, une impression d'admiration terrifiée. Oui, en ces quelques minutes d'entretien, cet homme m'était apparu comme un être surhumain, à la fois superbe et sinistre. Y avait-il là prédisposition nerveuse? C'est possible. Cependant, si je voulais peindre d'un mot l'étrange concept qui avait jailli de mon cerveau, tout à coup, sans raisonnement, comme ces mots qui parfois obsèdent la mémoire sans cause appréciable, je te dirais, ne ris pas de moi surtout, que cet homme m'avait produit l'effet d'un vampire savant. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui encore, je serais bien embarrassé de l'expliquer nettement. Cherche, si tu veux. Là-dessus, il est tard. Rentrons. Encore un mot, dis-je. As-tu revu M. Vincent? Oui. Plusieurs fois, je l'ai rencontré, tantôt vieux, brisé, comme il nous est apparu ce soir. Tantôt, au contraire, rajeuni, vivace, rosé, robuste. Et tu le crois centenaire? Rappelle-toi les dates que je t'ai citées, et conclue. Un instant après, nous nous séparions, et bientôt seul, chez moi, à la lueur de ma lampe, je reprenais l'étude interrompue.